Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, le surf, une vague mondiale, une série documentaire de Raphaël Kraft réalisée par Gilles Martirossian. Au départ de cette série, il y a l'envie de fuir un horizon bouché et de prendre le large et une compétition qui devait avoir lieu au Portugal repoussée à des jours meilleurs. Alors en attendant, on peut rêver à l'histoire du surf. Alors pour commencer, les personnages. Un historien sur des traces, une ethno-archéologue océaniste, un explorateur mythique, des missionnaires, Jack London, des Beach Boys légendaires, un musicien et des surfeurs. Ensuite, le décor. Des calebasses, des coquillages, Hawaï, des pirogues, la Polynésie, des récits mythologiques, Maui, un hameçon magique, la glisse, le plein air, le romantisme, Waikiki, le tourisme, des clubs, du ukulélé, la Californie et des planches. Aujourd'hui, premier épisode, le spectacle va commencer. Oh, ma cocao. I hear Okalani pa. Qu'est-ce que vous allez interpréter là? Alors, on va faire la danse He'e'ia, qui est une danse sur le surf. Et cette danse est pratiquée avec un instrument, le huli huli, qui est une petite calebasse avec des graines à l'intérieur. Et on parle du chef qui fait du surf, qui avance sur la planche, qui avance et qui prend les vagues. Et on a les rois qui va faire le chant à l'aide d'un ipuheke, donc c'est une double calebasse qu'elle frappe et simultanément elle chante en hawaïen les paroles. La diffusion du surf dans le monde. Quand j'ai commencé à étudier cette histoire du surf, je me suis d'abord renseigné sur l'histoire française. Donc c'est là où j'ai connu tous les grands auteurs de l'histoire du surf en France, mais j'étais aussi frustré de par l'histoire relativement courte du surf en France. En gros, l'arrivée du surf en France, c'est 56-57. Et je me disais, bon, on va creuser, alors remonter dans le temps. Californie, Australie, et si tu remontes davantage, tu as Hawaï. Jérémy Lemarié, maître de conférence à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Alors, il y a un débat sur l'idée que le surf ne viendrait pas que d'Hawaï. Il y a beaucoup de papiers qui sortent sur l'idée de montrer que le surf vient aussi d'ailleurs. Par exemple, au Ghana, ça se pratiquait tout au long du 16e, 17e, 18e siècle. T'as aussi les Péruviens qui se revendiquent comme étant aussi des héritiers légitimes de cette culture surf, qui surfent avec ce qu'on appelle des caballitos. C'est à l'origine des instruments de pêche, et pour rentrer de la pêche, ces gens surfaient. Et donc, c'est à Hawaï en tout cas que le surf a eu son développement culturel le plus important, ce qui, à mon sens, légitime toujours, bien qu'il faut avoir à l'esprit les autres histoires du surf, mais qui légitime toujours le fait de dire que tout de même, le surf tel que l'on le connaît aujourd'hui vient d'Hawaï. Hélène Guillot, vous êtes ethno-archéologue, vous vous intéressez aux sociétés polynésiennes, vous êtes une océaniste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement comment les Austronésiens arrivent dans l'océan Pacifique? Brièvement, ils arrivent en pirogue. Alors, en fait, les Austronésiens quittent le sud de la Chine, Taïwan, il y a environ 5000 ans. Prennent la mer et arrivent jusqu'aux Philippines, descendent encore et arrivent jusque sur les côtes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Puis ils continuent leur chemin, toujours plus à l'est, vers le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, Fidji, Tonga, Samoa. Voilà. Et ils arrivent dans ce qu'on appelle aujourd'hui la Polynésie occidentale. Et ils continuent toujours plus à l'est, pour peupler ce vaste triangle polynésien dont les extrémités sont Hawaï, au nord, l'île de Pâques au sud-est et la Nouvelle-Zélande au sud-ouest. Tout ça se fait par étapes successives. Et on pense que ces ancêtres des Polynésiens arrivent à Hawaï, alors selon les chercheurs, vers 400 ou 800 de notre ère, à peu près à cette même époque aussi pour l'île de Pâques, et plus tardivement en Nouvelle-Zélande, vers 1200 de notre ère. Ce peuplement, en tout cas donc dans le grand triangle polynésien, s'inscrivait dans un système culturel, dans un système de représentation du monde, dans lequel il était important de renouveler le principe de vie constamment. Et là, à un moment donné, un groupe de personnes décide de s'extraire de sa terre d'origine pour aller peupler une nouvelle terre, pour l'ensemencer. C'est-à-dire qu'on va arriver sur une nouvelle terre avec des hommes, des femmes, des enfants, des végétaux que l'on va planter dans cette nouvelle île, des animaux aussi, pour donner vie à une nouvelle terre. Il faut savoir que le terme de île se dit fenua ou henua dans les langues polynésiennes, ce qui signifie également placenta. La terre, l'île, est une entité féminine qui génère de la vie. Et donc, il faut l'alimenter aussi, ce placenta. Et donc, on va aller le nourrir. Et c'est intéressant aussi de savoir que dans cet ensemble d'êtres vivants, il y a bien sûr les hommes, les femmes, les animaux, les végétaux, mais aussi les pierres. Tout le domaine lithique fait aussi partie du monde des vivants. Et des îles que les ancêtres, que les héros, sont allés pêcher au fond de la mer. Parmi ces divinités et ces personnages très importants, il y a des héros comme Maui, qui est un héros très célèbre dans toutes les cosmogonies, mythologies polynésiennes, notamment parce que Maui avait donc des pouvoirs extraordinaires. Il avait un hameçon magique et donc avec son hameçon magique, il a pêché des îles, c'est-à-dire qu'il a ramené du fond de l'océan des îles à la surface et il les a amenées à la vie et pour que ensuite, eh bien, les êtres humains puissent s'y installer. Donc on se déplace dans un monde où la mer est réellement très importante. C'est un chemin qui permet de rejoindre une île à une autre. Et à un moment donné, une île, une terre va apparaître à l'horizon. Et les hommes vont pouvoir donc s'y installer et la fertiliser. Alors la fertiliser, ça nous amène au surf. Et pas seulement au surf, la glisse d'une façon générale. En fait, le surf s'inscrit dans un système culturel où la glisse avait une importance réelle qui était liée au rituel de fertilité qui avait lieu régulièrement dans beaucoup d'îles de culture polynésienne. Le Makaiki d'octobre à mars, c'est ça ? Alors ça, effectivement, le Makaiki, c'était à Hawaï. Mmh. Et donc, on célébrait le retour du dieu Lono, le dieu de la fertilité. À l'occasion de ce retour, eh bien, de ce dieu, eh bien, il y avait tout un ensemble de cérémonies, de pratiques, et notamment la pratique du surf, qui était à cette occasion-là réservée aux meilleurs surfeurs et aussi à des personnes de haut rang. Donc il y avait une pratique ritualisée, cérémonielle du surf à ce moment-là. Le surf s'inscrit dans la glisse d'une façon générale, parce que la glisse, ça n'est pas seulement le surf dans l'espace polynésien. C'est quoi encore ? Effectivement, il y a la glisse en mer avec le surf, c'est ce qu'on connaît le mieux. Mais il y avait aussi des pratiques de glisse avec les pirogues pour s'amuser. Et il y avait des pratiques de glisse à terre. On connaît relativement bien la pratique à Hawaï, qui était une sorte de luge, construite un peu comme en fait une pirogue double, c'est-à-dire avec deux patins parallèles. Donc sur les sommets, depuis les sommets volcaniques de Hawaï, était aussi une pratique ritualisée être lié au rituel de fertilité. Ce que vous voulez dire, et pardon si je me trompe, c'est que la glisse fait référence au coït finalement. D'une certaine façon, cette image de la glisse, elle fait référence à une pratique qui vise à reproduire la vie entre des êtres vivants qui peuplent l'univers. Donc effectivement, ça pourrait être vu comme une sorte d'acte sexuel, mais c'est un acte sexuel qui a pour visée la reproduction du principe de vie et de la vie à la fois sociale comme de la vie biologique. Et donc le surf, qui est quand même une façon d'être à l'océan, on touche l'océan, on glisse sur la vague, on suit ses mouvements, on s'ajuste constamment avec elle, on l'écoute. Et donc, il n'est pas étonnant que le surf ait pu se développer de façon aussi intense dans l'ensemble de la Polynésie. Prière à Laha Mau Mau, dieu du vent chez les Hawaïens. Kumae, kumae, ka'ale nui mai kaiki mai, kaipo nui lave mai, kaipo iki waihuaku. Hoa e hoa e lune kapo hue hue. Kaipo mai lavi mai, kaipo iki waiho mai. Que les vagues déferlent, qu'elles se dressent vers la liane Pauwewe. Apportez les grands vents de la calebasse, laissez les faibles vents de côté. Qu'ils se lèvent les grands brisants du lointain Kaiki. Que les vagues déferlent, qu'elles se dressent vers la liane Pauwewe, bien haute, la mer déchaînée. Qu'elle se lève, les grandes vagues du lointain Kaï. Apportez les vents de la calebasse, que les petits vents soient mis à part. Qu'ils aillent vers la liane Pauwewe. Apportez les vents de la calebasse, laissez les faibles vents de côté. Dans ce qu'on appelle la Polynésie de l'Ouest, où les contacts sont beaucoup plus importants, comme par exemple entre le Vanuatu, les Fidji, la Nouvelle-Zélande, aussi les îles Cook, voilà, tu as le commerce et puis aussi l'échange, ou la circulation des individus, des hommes et des femmes, par des mariages et des alliances se faisant entre îles. Et donc tu peux aisément, par exemple, légitimer l'ordre social en montrant que tu t'es allié à une autre grande famille d'une très grande île, etc. Donc tu légitimes ta domination sur le peuple par ta capacité en fait à construire une lignée de dirigeants. À Hawaï, tu peux pas faire ça puisque finalement t'es isolé. Et donc va falloir légitimer le pouvoir par d'autres choses. Alors tu as la guerre par exemple, qui est la manière la plus brutale et frontale de légitimer une domination, hein, c'est une domination physique. On constate qu'Hawaï est quasiment en état de guerre permanente. Sur ces 8 îles, tu avais eh bien à peu près 4 royaumes concurrents. Et chaque royaume cherchait à créer en quelque sorte ce qu'on appellerait un empire, c'est-à-dire finalement un territoire totalement unifié et colonisé. Et cet état de guerre permanent, vous concevez, il n'est pas soutenable. Et donc par conséquent, il y avait des périodes de repos imposées. Alors la saison des récoltes en quelque sorte, donc qui est grosso modo de octobre-novembre jusqu'à février-mars, eh bien on estimait que on tabouait, c'est-à-dire on interdisait toute pratique guerrière. Cette période s'appelait le Makahiki. Makahiki en hawaïen, ça veut dire année. C'est simplement célébrer la nouvelle année. Donc par exemple, durant cette période où on ne faisait plus la guerre, il fallait toujours tout de même légitimer sa domination en tant que souverain. Et donc il y avait dans les jeux tout aussi une stratégie hein, de la part de légitimation du pouvoir en montrant que bien, effectivement être un surfeur agile, assidu, c'était être capable de finalement comprendre la mécanique océane, comprendre ce que les dieux envoyaient par l'intermédiaire des vagues, comprendre les messages divins que l'on cherchait en permanence à interpréter pour comprendre le monde qui nous entoure. C'est pour cela, je crois, hein, que le surf à Hawaï possède toute sa singularité. Et c'est d'y associer l'ensemble de la vie religieuse, politique, économique. Extrait du journal de l'expédition de James Cook, mars 1779. Lorsque, par un temps orageux ou par une très grosse houle, l'impétuosité du ressac est parvenue au dernier degré, les Hawaïens profitent du moment pour goûter les plaisirs de ce jeu, dont voici les détails. Une vingtaine ou une trentaine d'indigènes prennent chacun une longue planche étroite arrondie aux extrémités et ils partent ensemble de la côte. Ils plongent par-dessous la première vague qu'ils rencontrent, se laissant ensuite rouler par cette vague, ils réapparaissent au-delà et ils se hâtent de nager afin de se porter plus en avant dans la haute mer. Quand, après ces efforts multipliés, ils sont parvenus au-delà du ressac, ils trouvent la mer plus tranquille. Ils se placent enfin sur leur planche et ils se disposent à regagner le rivage. Le ressac étant composé de vagues, dont la troisième, toujours plus grosse que les deux premières, s'avance plus loin que les deux autres, qui se brisent dans l'espace intermédiaire. Leur premier objectif est de se placer au sommet de la plus haute déferlante, à partir de laquelle ils sont propulsés avec une rapidité extraordinaire vers la grève. L'audace et l'adresse avec laquelle nous les avons vus s'adonner à ces manœuvres difficiles et dangereuses étaient tout à fait étonnantes et rarement observées. Donc, le capitaine Cook arrive en janvier 1778, découverte du surf, de la société hawaïenne. Ça se passe bien parce qu'il est considéré comme étant le dieu Lono, puisqu'il arrive en pleine période du Makaiki, cette période de paix pendant laquelle il y a les récoltes. Exactement. Lono, le dieu de la fertilité, il repart, et puis face au passage du nord-ouest qu'il tente de découvrir, il se retrouve pris dans la banquise et revient à Hawaï pour hiverner, entre guillemets. C'est ça. Mais là, comme il arrive hors Makaiki, il n'est plus le dieu Lono et se fait tuer. Cook va se retrouver énormément en similitude avec Lono, en tout cas avec ce que représente Lono, à bord de ces deux navires, hein, le Discovery et la Résolution. Et lorsqu'il revient un peu moins d'un an plus tard, eh bien, il ne revient pas au moment où Lono devrait revenir. Et c'est à ce moment-là qu'on constate. Alors, on se doutait auparavant, il y avait toujours débat et controverse sur le fait que vraiment, est-ce que Lono serait blanc? Est-ce qu'il viendrait avec d'autres blancs sur ces navires aussi étrangers? Mais là, on a eu confirmation du fait qu'il n'était pas Lono. Et donc, suite à différents désagréments, et notamment des vols, des prises d'otages, de part et d'autre d'ailleurs, hein, à la fois hawaïens, mais aussi navigateurs britanniques, eh bien, voilà, dans une confusion un peu particulière où Cook voulait prendre en otage, pour punir les hawaïens de leurs vols successifs, un de leurs chefs locaux, on pense qu'il s'est fait poignarder dans le dos par un hawaïen. Les explorateurs se succèdent, La Pérouse, pour ne citer que lui. Et puis, le temps passant, Hawaï devient une plaque tournante du commerce transpacifique, puisque ces îles sont situées non pas à mi-chemin, mais presque à mi-chemin entre la Californie et le Japon, et la Chine notamment. Les calvinistes américains arrivent en 1820, les premiers. Et là, la société hawaïenne est complètement bouleversée. La singularité d'Hawaï, c'est d'être ce que l'on appelle le carrefour de l'océan Pacifique. C'est l'étoile du Pacifique. Et ce carrefour, ou cette étoile, va permettre de mettre en relation énormément de continents, et notamment le continent américain et le continent asiatique. Et donc, il y a tout un aspect économique. C'est-à-dire que on va pouvoir documenter Hawaï et on va pouvoir documenter le surf par tous ces alors au départ explorateurs, navigateurs, puis ensuite commerçants et cette documentation va se faire par des chirurgiens, par des médecins, des architectes, des diplomates qui ont tout leur rôle sur ces navires, mais ont aussi une plume ou en tout cas une pratique de la tenue d'un journal de bord qui est assez éclairant. Et là, on va constater donc trois commerces essentiels, celui du bois de santal. Il y a aussi le commerce des fourrures, et notamment des fourrures des loutres de mer que l'on récupère dans le Pacifique Nord et que l'on va aussi revendre en Asie. Et enfin, il y a le commerce de l'huile de baleine, à cette époque, hein, n'ayant pas d'électricité, largement utilisée pour l'éclairage nocturne. Et eh bien, on va voir cette société hawaïenne qui passe d'une économie de subsistance à une économie marchande. c'est-à-dire capitalisme. Et effectivement, les missionnaires à Hawaï vont avoir toute leur importance, puisque arrivant en 1819 précisément, depuis la Nouvelle-Angleterre, donc missionnaires calvinistes d'abord, vont alors mettre par écrit l'hawaïen. Et les Hawaïens, c'est là où le lien avec le surf et la culture hawaïenne est très importante. Ils vont très vite se rendre compte que cette langue, qui désormais peuvent écrire, possède un pouvoir. C'est le pouvoir de continuer à exister, malgré le fait que les générations décèdent les unes après les autres. Et donc ils vont avoir une très grande production littéraire, qui va être énormément florissante et va mettre alors par écrit toutes ces légendes orales. Donc les calvinistes mettent la langue hawaïenne qui n'est qu'orale par écrit dans une logique de domination. Les hawaïens s'en emparent dans une logique de résistance. Exactement. Parce que les calvinistes, ils ont un regard forcément puritain sur la société hawaïenne et font en sorte d'interdire tout un tas de pratiques culturelles ou sportives, dont le surf, qui est considéré comme quelque chose qui pousse à la fainéantise, on ne travaille pas, on exactement. Va surfer. En fait, il y a deux discours. Il y a le premier discours des missionnaires, serait le plus populaire, en tout cas le plus diffusé, c'est celui qui consiste à dire qu'effectivement le surf serait malsain, comme bien d'autres pratiques. Par exemple, les Hawaïens étaient aussi connus pour leur faiblesse vis-à-vis de l'alcool. Et donc la consommation d'alcool, bien évidemment, étant aussi décriée par les missionnaires, leur penchant pour les jeux. Et donc cela était à l'encontre de l'ascèse puritaine en nous venant de ces missionnaires calvinistes. J'aimerais vous parler de quelque chose qui est très malsain. Je veux parler ici du surf. Lettre du missionnaire Paalui au gouverneur royal d'Oahu. Lorsque je vivais à Ohikilolo, les indigènes étaient particulièrement fainéants à cet endroit au profit de cette activité néfaste. Dans ces trois provinces, les Hawaïens se rassemblent pour s'adonner à cette activité de fainéants. Leurs enfants, tout comme les adultes. Voici la raison pour laquelle je pense que le surf est mauvais. Lorsque les vagues déroulent à Kaka, ici à Ohikilolo, beaucoup vont surfer. Ils y restent jusqu'au moment où le temps adéquat pour le travail des champs a passé. Et donc, finalement, ils n'ont pas pu interdire eux-mêmes. Ils n'étaient que des hôtes sur ce territoire qui n'était pas le leur. Et donc, ils ont convaincu, notamment la royauté hawaïenne, faire interdire certaines choses, la pratique du surf à certains endroits, etc. Alors, ce discours-là, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'est pas non plus unanime. Et donc, tu avais une minorité de missionnaires qui allaient, si tu veux, dans le sens des Hawaïens, en expliquant d'ailleurs à leurs confrères que surfer était tout aussi important pour préserver la santé des Hawaïens. C'était une pratique curative, c'est une pratique aussi qui va pouvoir permettre de se laver. Donc il y a un côté sanitaire, si tu veux, et hygiénique qui commence à transparaître dans les écrits des missionnaires et ceux qui constatent ne pas surfer ou ne pas ne serait-ce que aller en mer pour en prendre le bain, c'est en fait dégrader sa santé. Les missionnaires dans ces îles et les étrangers en général sont grandement fautifs de ne pas s'autoriser plus à profiter de ces moyens si faciles et inégalés pour garder la santé ou la restaurer lorsque celle-ci est affaiblie. Se baigner dans de l'eau fraîche, dans des bains fermés, est comparable en tant qu'agent vivifiant et remédiable. Et il est insensé, pour ne pas dire criminel, dans un tel climat, de négliger cette manière tant naturelle de préserver la santé que de se laver et nager en mer. Journal du révérend américain Henry Cheever. Les guerres fratricides, et puis une chute drastique de la population. Hawaï perd 90% de sa population entre 1778 et 1890. Vont contribuer à faire disparaître une bonne partie de la culture hawaïenne, et notamment le surf. Alors il y a débat. Parce que pendant très longtemps, il y a cette idée selon laquelle le surf aurait disparu au 19e siècle pour renaître grâce aux immigrés américains qui vont en faire un vecteur de l'authenticité hawaïenne. D'abord, c'est la chute drastique de la population hawaïenne. Les maladies. Effectivement, l'importation de maladies étrangères à l'archipel va largement contribuer à décimer cette population. On aurait également une société hawaïenne en plein déclin, mais on constate aussi que la royauté s'affaiblissait, que l'influence étrangère devenait de plus en plus importante, à la fois par les commerces transpacifiques, mais aussi par l'évangélisation. Et donc, au final, le discours visant à dire que eh bien, cette culture hawaïenne n'est plus, ou en tout cas n'est quasiment plus, y compris le surf, c'est un peu le discours le plus évident, mais aussi le discours le plus, je dirais, ethnocentrique, dans la mesure où c'est un regard occidental sur cette chose-là. Et lorsqu'on lit cette littérature rédigée en langue hawaïenne, eh bien, on a toute une autre histoire, finalement. On retrouve l'histoire de cet archipel, mais racontée par les premiers protagonistes. Et donc, par exemple, sur le surf, on a tout un contre-discours, en montrant que, eh bien non, on continue à pratiquer, que tel roi, par exemple, c'est le roi Kamehameha III, je crois, dans les années 1848, étant en convalescence à Waikiki, pour se remettre de la petite maladie qu'il a en ce moment, il va alors surfer à Waikiki. Ah, bon, tiens, là, on me dit que finalement, on surfe, alors que tout le discours occidental me dit le contraire, à cette époque. On va nous dire encore que tel surfeur, aujourd'hui, a été attaqué par un requin. Sauf que la France a été très présente à Hawaï, et ce qui est intéressant dans le discours français, c'est donc milieu du 19e siècle, ça va être un regard hygiéniste, mettant en avant la santé, mettant en avant aussi finalement les bonnes pratiques à adopter, à la fois que ça soit dans la sphère privée ou à la fois dans la sphère publique. Eh bien, ce que préconisaient les médecins en Europe, se retrouvait à Hawaï. Et ça, c'est, je pense, une des plus-values réelles de la littérature française, c'est d'avoir insisté davantage sur ce regard hygiéniste, mettant en avant l'importance des pratiques sportives, et notamment des pratiques sportives aquatiques, comme le bain de mer. On appelait à cette époque aussi le bain à la lame, la lame étant la vague qui vient fouetter le corps, et disant aussi ce bain à la planchette, donc en gros avec une planche de surf. Eh bien, était largement considéré comme étant une pratique curative, mais aussi une pratique préventive. Et donc, ça a été la plus-value de ce discours français, de montrer que finalement, le surf était aussi bien présent, car il était encouragé même de la part de ces médecins français ou autres hygiénistes, et on le voit même les diplomates encourager largement la pratique du surf, du bain à la lame, du bain à la planchette. Journal du diplomate, archéologue et médecin français Paul-Émile Botta. Leur plaisir favori est la natation. Hommes, femmes et enfants, tous savent nager. Tous sont continuellement dans l'eau. Il semble que ce soit pour eux plutôt un besoin qu'un amusement. Rien n'est plus intéressant que de les voir se livrer à l'exercice qu'ils appellent « henalu », c'est-à-dire « monter les vagues ». Dans les endroits où le récif de corail qui entoure l'île, s'étendant forte au large, ne laisse à l'eau qu'une profondeur de 7 à 8 pieds, la mer roule ses vagues d'une manière effrayante, quelquefois pendant un espace d'une demi-lieue, jusqu'à ce qu'elles viennent se briser à la plage. Cet exercice qui m'a toujours semblé effrayant n'est pour eux qu'un jeu. Et s'ajoute à cela tout le romantisme. Exactement. Et la naissance du récit de voyage. On écoute qui là ? Herman Melville, Mark Twain ? Alors il y a du Mark Twain, effectivement, qui à l'origine, Mark Twain n'est pas reconnu comme étant un écrivain romantique, mais pourtant la prose qu'il rédige vis-à-vis d'Hawaï est romantique. Alors il y a aussi effectivement Herman Melville, on a aussi Stoddard par exemple qui va s'y rendre à Hawaï. Et chacun à leur manière, certains vont le rédiger sous forme de roman, d'autres vont le rédiger sous forme de plutôt de récit de voyage simple, sans être particulièrement romancé. Eh bien, on va louer le surf, considéré alors comme étant une pratique de pleine nature, dans l'océan, et on va jouer beaucoup sur le champ lexical de la Grèce et aussi de l'Antiquité d'une manière générale gréco-romaine. Mais l'auteur qui va véritablement inscrire le surf sur la scène mondiale, c'est Jack London. Jack London est effectivement un incontournable. Il se rend à Hawaï avec son épouse, à bord du Snark, son petit voilier. Eh bien, à Hawaï, il va découvrir le surf et il va rédiger un véritable éloge au surf. Et ce qui est intéressant avec Jack London, c'est le fait qu'il s'essaie au surf, qu'il apprécie. En plus, c'est dramatique puisqu'il passe trop de temps dans l'eau et donc par conséquent, il va avoir le corps brûlé, plus que bien bronzé. Et ensuite, il va devoir rester quasiment enfermé pendant une semaine après cet épisode surf qui va lui laisser le temps de rédiger cet éloge au surf. Extrait de l'article Un sport royal de Jack London, publié dans le Woman's Home Companion en 1907. En écrivant ces lignes, je lève mes yeux et mon regard embrasse l'immense océan. Me voici dans l'île d'Oahu, sur la plage Waikiki. Au loin, dans le ciel d'azur, les nuages poussés par l'alizée flottent à la dérive sur le gris turquoise de la mer. À quelque distance, les vagues se teignent d'émeraude et de gris olivâtre. Autour des récifs, l'eau prend une nuance pourpre, ardoise, tachetée de rouge. Plus près de moi, des bandes vertes très vives alternent avec des brunes et laissent entrevoir des nappes de sable entre les bancs de corail vivants. Un ressac magnifique agite, avec un bruit de tonnerre, ses couleurs chatoyantes. Sur la crête blanche d'une lame surgit une forme noire, toute droite, homme-poisson ou dieu marin, poussée vers le rivage. Enfouie jusqu'aux reins dans la poussière des embruns, elle est reprise par les vagues et rejetée d'un seul coup vers la terre, à un quart de mille de là. C'est un canac sur une planche de surf. C'est cette prose-là, ce texte-là, donc de Jack London, qui va être diffusé dans l'ensemble des États-Unis d'abord et puis après dans le monde, et qui va nourrir et alimenter le caractère romantique que l'on va se faire du surf. Il n'est pas seul, hein. Jack London a été d'abord contacté par un Américain, Alexander Hume Ford, qui ne venait pas d'Hawaï, hein, il vient avant tout du grand continent américain, mais qui s'est pris d'amour et de passion pour, on pourrait dire, cette culture hawaïenne, et qui va, à son tour, diffuser largement le surf en créant un des, pas le seul, hein, mais un des premiers clubs de surf au monde que l'on appelle l'Outrigger Canoe Club. Alexander Hume Ford, avec son Outrigger Canoe Club, incarne, pour ce qui concerne le surf, l'arrivée du tourisme à Hawaï et la transformation d'une pratique traditionnelle, royale, en une pratique de loisirs, et pas n'importe lequel, qui s'adresse à la haute société, à l'instar des clubs anglais qui vont se créer à la fin du 19e, au début du 20e siècle, à travers le rugby ou le football. Le sport moderne, qui nous vient typiquement de l'Angleterre et du 19e siècle, c'est-à-dire un sport qui est organisé dans un club, qui permet aussi la confrontation des individus par des compétitions sportives, reposant sur des organisations et leur système administratif, va en fait s'exporter à Hawaï. Et ça se fait avec aussi l'émergence du tourisme à Hawaï. Alors le tourisme à Hawaï existe quand même déjà depuis l'époque de Mark Twain, c'est-à-dire fin 1840, début 1950, on en voit les prémices, hein, ce sont ces voyageurs qui embarquent à bord des navires, aussi des commerçants par exemple, et vont être les premiers, en quelque sorte, touristes d'Hawaï. Et c'est aussi pour recevoir les touristes que l'on va créer un peu ces clubs. Ces clubs, alors on va avoir des clubs de surf, mais avant des clubs de surf, on a des clubs de surf en pirogue. Eh bien, il y a aussi un club plutôt hawaïen, donc composé essentiellement d'Hawaïens, de descendance hawaïenne, et ce club est le Huinalu. Apparemment, il serait fondé à la même date, en 1908. Mais avant cela, En 1897-1898, on a déjà un premier club de surf en pirogue qui s'appelle le Hui Pakaka Nalu, qui veut dire eh bien le surf en pirogue, qui avait pour objectif déjà de donner des cours de surf eh bien, à ses touristes. Donc vous voyez, en 1897, on est là 10 ans avant ce que l'on pensait être comme étant l'origine du surf touristique à Hawaï. Puisqu'à Waikiki, donc c'est une plage à côté d'Honolulu, sur l'île d'Oahu, une plage idyllique où vont se construire des grands hôtels et autour desquels évoluent, embauchés par les hôteliers blancs, ce qu'on appelle des Beach Boys. Le Beach Boy va incarner énormément de choses pour l'Occident d'une manière générale. Alors, le Beach Boy, c'est déjà un Hawaïen. Il faut garder à l'esprit que nous sommes au début du XXe siècle, qu'on a encore beaucoup un discours très racial des sociétés avec une hiérarchie. Et donc, par conséquent, on pourrait penser que les Hawaïens seraient plutôt de couleur de peau sombre, plus ou moins dévalorisés, selon cette échelle raciale. Sauf que les Hawaïens n'ont pas une couleur de peau qui est réellement noire, et n'ont pas non plus une couleur de peau qui est blanche. Ils sont métis, et un métissage qui a été une couleur métisse notamment, parfois marron, qui était largement travaillé par le soleil, et aussi travaillé par l'univers marin. Ce qui va leur donner une épaisseur aussi de la peau, particulièrement prisée par la société occidentale. Et cette couleur de peau des Hawaïens se retrouve alors en plus luisante lorsque l'on surfe. À tel point que désormais, on va utiliser d'autres termes, on va dire qu'ils ont une peau de bronze. En plus d'avoir une peau bronzée, un teint hâlé, ils ont des relations très soutenues et diverses avec les différentes touristes féminines qui vont se rendre à Hawaï. Imaginons pour l'époque être une touriste occidentale et se faire prendre par la hanche un Hawaïen sur une planche en tandem, on est limite proche du coït ou d'une relation indécente. Et donc, d'ailleurs, même ces femmes, dans leurs journaux, on raconte que pour elles, c'était une expérience qui les a marquées à vie. Voilà, ce Beach Boy va alors représenter le séducteur. Il va aussi représenter un homme fort, puisque son travail, c'est de passer l'essentiel de ses journées soit dans l'eau, à surfer ou à apprendre la nage aussi, soit aussi à s'occuper de la plage, à nettoyer. Et donc, il y a tout un caractère physique qui va sculpter le corps du Beach Boy. Et donc, on va retrouver ce qu'on voyait auparavant, c'est-à-dire un corps sculpté que l'on lisait dans les écrits de Mark Twain, dans les écrits de Stoddard, et que l'on voit incarné par cette figure du Beach Boy. Autre instrument qui lui est originaire d'Hawaï et qui arrive à la même période un peu plus tard que le ukulélé, c'est la steel guitare. Alain, vous allez nous interpréter des morceaux de steel guitare. Qu'est-ce que c'est que cette guitare? Elle a été inventée à Hawaï, c'est ça? Alors, la steel guitare, la guitare hawaïenne, est le seul instrument authentiquement américain de l'histoire de la musique parce qu'il a été inventé après l'annexion d'Hawaï par les Américains. On dit qu'il a été inventé par Joseph Kikuku à la fin du 19e siècle. En fait, il a promené sur les cordes un manche de couteau et en fait, c'était plutôt pour essayer d'imiter les inflexions du chant hawaïen. Et cet instrument s'est popularisé très très vite. Il y a eu des grandes stars qui ont pris le bateau, qui sont allées aux États-Unis et qui ont fait des carrières phénoménales. Les deux plus illustres d'entre eux, George Frith et Duke Kahanamoku, vont s'expatrier et avec eux la pratique du surf bien sûr, mais aussi de la natation, pour se rendre d'abord en Californie, mais ensuite en Australie et enfin en Europe pour diverses raisons, l'un travaillant comme maître nageur sauveteur dans une Californie qui devient la côte ouest, l'Eldorado. Elle a été arrachée au Mexique quelques dizaines d'années auparavant et commence à se construire une société du loisir sur cette côte californienne où on accède aux plages mais où on ne sait pas nager. Alors, il y a deux Beach Boys. C'est Duke Kahanamoku, qui est un Beach Boy né dans les années environ 1890. Et Duke s'est notamment fait remarquer par ses prouesses en natation, notamment en explosant le record du 100, l'équivalent du 100 mètres nage libre à Stockholm en 1912, donc aux Jeux Olympiques de Stockholm en 1912. Ce que l'on peut retenir de Duke, c'est qu'il incarne ce Beach Boy dans le sens où il a ce corps musclé. Il a aussi la performance de l'Hawaïen qui, en fait, déconstruit l'idée qu'on aurait d'un indigène qui serait relativement passif, oisif, etc. C'est quelqu'un qui est bien au contraire actif, performant, fort, grand. Et aussi, ce qui est intéressant avec Duke, c'est sa générosité ou sa bonté qui est propre à sa personnalité, mais qui correspond bien aussi à l'image que l'on se faisait de la société hawaïenne. Il a notamment été invité de part et d'autre partout dans le monde. À Paris même. À Paris donc, même à Paris. Effectivement, il y a une photo de Duke sur une péniche le long de l'île Ossing, à l'occasion d'une démonstration de natation, où il a donc nagé dans la Seine. Et donc Duke est important dans ce sens où il a, de manière sporadique, surfé ici et là lorsqu'il le pouvait durant ses déplacements et a largement été ensuite adoubé de retour à Hawaï, en vainqueur d'une part par toutes ses prouesses olympiques, mais d'autre part aussi comme étant un ambassadeur de l'état d'Hawaï, de ce territoire hawaïen d'abord et puis de l'état d'Hawaï une fois que cet état est devenu territoire et possession entière des États-Unis. En 1897. Mais ce n'est pas Duke qui va avoir le rôle le plus important dans la diffusion du surf dans le monde, c'est George Spieth. En fait, certains, Duke méritant a été largement médiatisé par ses prouesses olympiques, mais Spieth, lui, a fait le choix plutôt de se dédier au sauvetage en mer. Et donc lorsqu'il il va en Californie pour la première fois en 1907, d'ailleurs armé de lettres de soutien de Alexander Hume Ford, également de l'Office du tourisme hawaïen et aussi de Jack London, il est armé de ces lettres de soutien à l'origine pour promouvoir le tourisme à Waikiki et à Hawaï d'une manière générale. Et lorsqu'il se retrouve en Californie, il arrive d'abord à San Francisco, puis parcourt la côte californienne du nord vers le sud. Il se rend compte des drames qui se passent littéralement à ce moment-là en Californie, c'est-à-dire des décès par noyade de manière répétée le long des côtes, y compris des sauveteurs nageurs amateurs de l'époque durant leurs entraînements. Et donc, il s'est rendu compte qu'il avait quelque sorte une utilité sociale à ce moment-là et donc va démontrer par le surf que bien la planche de surf est un outil de sauvetage en mer. Il permet notamment en utilisant des courants, ce que nous on appellerait des baïnes, mais ces flots de retour, ces courants marins qui partent du littoral et vous emmènent vers le large, il montre qu'avec une planche de surf et l'utilisation de ces courants, on peut accéder plus rapidement à une victime qui se situerait au large et par l'intermédiaire des vagues, eh bien en la surfant, on peut ramener également plus rapidement la victime en bord de mer. Il arrive donc dans une Californie où la classe moyenne s'installe, où des promoteurs immobiliers, des manias du chemin de fer, on pense à Huntington qui donnera son nom à la célèbre plage de Huntington Beach et sa célèbre pier, sa jetée qui va dans la mer, sont d'une véritable utilité dans la transformation de la société américaine vers l'American Way of Life. Ce qui est intéressant avec la Californie, c'est que le développement urbain ne se fait pas comme on pourrait le penser, notamment en France, c'est-à-dire essentiellement souvent issu des pouvoirs publics. C'est avant tout le secteur privé qui va urbaniser le littoral aux États-Unis. Par exemple, dans les années 1920-1930, ce sont les groupes pétroliers qui vont industrialiser le littoral. Ou alors urbaniser le littoral par des voies de transport. Mais surtout, il va falloir convaincre ces Californiens qu'il convient d'habiter ce littoral. Et on va alors user d'artifices au maximum pour montrer l'attractivité de la côte. Et dans le domaine des loisirs, ça va se faire notamment par la construction de jetées. Et aussi, on va construire des grèves, hein, ces marches le long des plages. On va également construire des piscines d'eau salée sur les plages pour déjà accoutumer des populations à la nage. Parce que pour savoir surfer, il faut d'abord savoir nager. Donc on constate un peu aussi, à l'image des hygiénistes du 19e siècle, on constate un peu aussi chez ces promoteurs privés une volonté un peu d'inculquer le sens de l'hygiène, de la pratique physique, de la pratique sportive dans l'océan, comme étant des incontournables de la vie moderne, saine. Et donc ici, le surf a été largement utilisé. Et donc à partir de là, le surf commence à se développer en Californie par cet intermédiaire des techniques de baignade et de sauvetage, et aussi par l'intermédiaire donc de ces clubs de sauveteurs en mer, d'abord amateurs, puis ensuite professionnels. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'apport de la technologie développée pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le domaine de l'aviation, chez McDonnell Douglas notamment. Exactement. Qui va permettre la création de planches de surf de série, même si des premières planches de surf de série ont été construites après la Première Guerre mondiale par une entreprise de BTP. Le véritable boom se situe dans les années 50 et les années 60, où là, on va compter en 1964 près de 150 000 surfeurs sur la côte californienne. Alors c'est vrai que le surf va rester à un état un peu embryonnaire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, il prend, hein, ça grandit. On a déjà des premières compétitions de surf, par exemple à Del Mar ou alors à San Onofre dans les années 30. Des championnats officiels, ça se fait. Il y a une petite communauté qui se construit par l'intermédiaire de, à la fois de clubs de sauveteurs en mer, mais aussi de clubs de surf qui commencent à émerger. C'est à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on va avoir une explosion de pratiquants qui va résulter de plusieurs choses. La première, c'est déjà le contexte des Trente Glorieuses que l'on connaît bien en France, mais qui également était tout à fait d'actualité à ce moment-là en Californie. Et si autant de jeunes peuvent s'adonner à des loisirs, c'est parce que leurs parents peuvent se le permettre. Et donc on va constater déjà une société qui est enrichie à l'issue de la Seconde Guerre mondiale et qui va, dans un contexte généralisé, pouvoir consommer davantage, y compris du loisir. Et puis, il y a effectivement le caractère technologique à la chose. C'est-à-dire que les planches étant essentiellement fabriquées en bois, jusque dans les années 40 environ, on se retrouve avec des problèmes d'approvisionnement. Et on se rend compte que certains surfeurs vont commencer à expérimenter en s'inspirant de l'aviation. Ce sont notamment des personnes qui ont travaillé donc chez McDouglas, hein, ce sont des ingénieurs, et ces individus vont tenter des matériaux aussi issus de l'industrie pétrochimique. Et donc, au lieu d'avoir une planche en bois que l'on pourrait recouvrir par exemple d'une couche de fibre de verre, en se disant que cette planche pourrait peut-être être en mousse. Notamment, cela vient d'un surfeur, Matt Kivlin, qui s'est retrouvé amputé de sa jambe et avait énormément de difficultés à surfer des planches en bois trop lourdes et voulait alors une planche plus légère. Et donc, pour gagner en maniabilité, il a tenté différentes choses et notamment reproduit le fuselage des ailes des avions. Et donc, toujours sur cette même logique de s'inspirer d'autres domaines, notamment de l'aéronautique, on va utiliser une mousse que l'on appelle un polymère d'uréthane ou encore du polyuréthane dérivé du pétrole que l'on va mettre dans un moule. On va créer ce que l'on appelle des pains en mousse qui vont alors sortir une planche standard que ensuite on va pouvoir façonner, c'est-à-dire shaper en fonction du poids, de la taille du surfeur, mais également de la vague que l'on va surfer. Donc on commence à avoir une industrie à la fois de masse tout en étant personnalisée. Donc, le He Enalu est mort. Vive le surf ? Alors, oui et non. Ça serait l'histoire la plus lisse, finalement, à raconter. Oui, le He Enalu est mort, il n'existe plus. Le mot, d'ailleurs, He Enalu, il est intéressant de l'étudier. On le rappelle, qui veut dire... Ouais, ce qui signifie, en fait, He signifie glisser, Enalu, vague. Et donc, He Enalu, eh bien, consiste à glisser sur une vague, autrement dit, surfer. Si on regarde, ne serait-ce que ce mot, He Enalu, on voit qu'il disparaît progressivement dans la littérature. Et puis on voit que le mot surf, surfriding, nous venons alors des récits britanniques, sont aussi même repris par les écrits français. Le mot He Enalu déjà disparaît. Et alors, oui et non, il est mort, parce que bien évidemment, la société hawaïenne telle qu'on l'a découverte n'existe plus. Mais si on cherche bien, on trouve toujours des Hawaïens qui vont fabriquer leurs planches de manière traditionnelle. D'ailleurs, cette fabrication artisanale est passée de génération en génération. Cela existe. Des planches sont toujours fabriquées en bois, avec les mêmes bois d'ailleurs indigènes, qui sont plus difficiles à trouver, mais qu'on en arrive encore à trouver. Eh bien, tout ça continue d'exister. À travers notamment le mouvement de renaissance hawaïenne qui est survenu dans les années 70. Exactement. Alors, comme dans beaucoup d'autres pays anciennement colonisés. C'est ça. Et alors là, on lui donne une visibilité, en fait, à ce surf-là à partir des années 1870, sous couvert, en fait, d'innovations, de différences, peut-être même de mouvements contre-culturels et de ces mouvements revendicateurs, que cela existait toujours, mais dans l'ombre. Finalement, années 20, 30, 40, 50, 60, ces planches-là ne disparaissent pas, puisque finalement, la fabrication artisanale existe encore aujourd'hui, donc le savoir-faire est toujours là, mais n'a pas du tout été documenté. Et on peut émettre plusieurs hypothèses, mais je pense qu'il y a eu une réelle conscience de la part des Hawaïens que diffuser allait à l'encontre de leur culture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On s'est rendu compte, notamment depuis les années 1970, que chercher à montrer son identité, à la revendiquer et à mettre en avant sa différence était un moyen de gagner une reconnaissance auprès de la société. Mais ce n'était pas du tout le cas dans les années 1920 à 1960, parce que tout ce qui était hawaïen était largement péjoratif. On décourageait, par exemple, l'apprentissage de l'hawaïen à l'école. On décourageait nombre de générations à ne plus parler hawaïen, à ne plus pratiquer ce qu'ils avaient l'habitude de pratiquer. Et donc, préserver ce surf, ce He Enalu qui existe encore, c'était en fait ne pas en parler, n'en donner aucune visibilité. Et aujourd'hui, on arrive à des choses assez improbables où cette génération d'Hawaïens qui apprend l'Hawaïen aujourd'hui, parfois parle mieux cette langue-là que leurs parents eux-mêmes ou que leurs grands-parents qui ont été bien découragés de faire perdurer leur culture ancestrale. C'était La diffusion du surf dans le monde, coordination Perrine Kervran, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier, mixage Régis Nicolas. Un documentaire pour LSD de Raphaël Kraft et Gilles Mardi-Rossian. Avec Vanessa Leilani-Til, Jérémy Lemarié, Hélène Guillot, musique originale de l'ensemble Halaou, Hula, au Manoa de l'association France Hawaï. Style guitare et ukulélé, Alain Robac et Primo Gramaglia. Texte extrait du livre Surf de Jérémy Lemarié et lu par Hubert Caporal. LSD pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Hawaï, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter partout et tout le temps, le podcast sur l'application Radio France et ailleurs et pour nous parler sur Twitter et même Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, une leçon de surf en Bretagne. Mais en attendant, restez à l'écoute. Thank you.